Demain, c'est les vacances. Demain, c'est les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances. Les vacances. Les vacances. Vacances. Vacances. Vacances.